إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série d'explications succinctes sur les trois fondements de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nous sommes arrêtés la fois dernière avant le premier fondement. Donc le premier fondement, qui est ton Seigneur? Le Cheikh rahimahullah a dit, et si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a élevé et a fait de même avec toutes ses créatures en leur prodiguant sa grâce et ses bienfaits. Il est mon Dieu, je n'adore rien d'autre que lui. La preuve de cela est sa parole. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dans ce passage, on voit qu'Allah tabarak wa ta'ala est le Seigneur de tous. Comme il l'a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Al-Alameen, qu'on a traduit ici par les mondes, désigne l'ensemble de toutes les créatures, telles que les djinns, les hommes, les bêtes, les montagnes, la végétation, et ainsi de suite. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à ce propos, dans le sens de sa parole, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, tous soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Il est donc le Seigneur subhanahu wa ta'ala de toutes choses. La création et l'ordre n'appartiennent qu'à Allah. Par conséquent, il est le seul subhanahu wa ta'ala à mériter qu'on l'adore. C'est pour cela qu'on en a donné l'ordre dans sa parole, Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Dans sa parole, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Cela signifie la glorification tout entière appartient à Allah. Or, la louange et la glorification font partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, le Cheikh dit, tout ce qui est en dehors d'Allah fait partie du monde. Et moi-même, je suis une des créatures de ce monde. C'est-à-dire, je suis une des créatures de ce monde qu'Allah a créé à partir du néant. Il est obligatoire pour toutes les créatures, particulièrement les djinns et les hommes, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et de lui obéir ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci inclut même les anges, c'est-à-dire les mondes, cela inclut les anges. Sauf que les anges ne sont pas responsables de leurs actes, dans le sens où ils ne seront pas jugés, comme les hommes et les djinns. Et non pas dans le sens qu'ils n'ont pas de volonté. Les anges ont une volonté, ils obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala de par leur volonté. Mais ils ne sont pas jugés. ils ne seront pas jugés, car ils n'ont pas d'âme bestiale et ils n'ont pas ce combat à mener contre leur âme bestiale comme il y a chez l'être humain et chez les djinns. Et en parlant des anges, Allah Ta'ala dit « La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun » Ils ne désobéissent jamais à Allah ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Il dit « Subhanah » La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Selon ses ordres, il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Puis, l'écrivain, rahimahullah, dit, « Et si on te demande, comment as-tu pris connaissance de ton Seigneur ? Réponds, par ses signes évidents et prodigieux, et par ses créatures. Et parmi ces signes évidents et prodigieux, on remarque la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les sept cieux et les sept terres, ceux qui les peuplent, et tout ce qui se trouve en leur sein. » On voit ici que l'écrivain, rahimahullah, parle de deux types de signes. On a connu Allah, tabarak wa ta'ala, à travers ses signes évidents, et ses créatures. En réalité, toutes les créatures d'Allah Ta'ala sont des signes évidents et prodigieux de la grandeur d'Allah et de son unicité. Alors pourquoi cette division? Car il y a des signes des évidents, il y a des signes évidents, et un en particulier, qui n'est pas une créature, qui est le Coran, qui est la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, qui est un signe par lequel on connaît Allah, tabarak wa ta'ala. Au contraire, on connaît à travers le Coran notre Seigneur. Mais il n'est pas une créature, car c'est la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, incréée, qui émane de lui et qui retournera à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on est questionné, comment as-tu connu ton Seigneur, celui que tu adores? Le musulman répond, je l'ai connu par ses nombreux signes évidents et prodigieux, et par ses créatures grandioses qui démontrent bien qu'il est le Seigneur, l'immense, et qu'il est le créateur de toutes choses, l'omniscient, et qu'il mérite lui seul d'être adoré, et qu'il a créé ce qu'il veut, et que c'est lui qui donne et qui prive, qui accorde un bénéfice ou qui cause du tort. Et qu'il possède, subhanahu wa ta'ala, toute chose. En conséquence, il est celui qui mérite qu'on l'adore en lui obéissant, en l'invoquant, en lui demandant secours, en suivant sa législation, en prenant ses ordres et ses interdits en haute considération par des paroles ou par des actes, etc. Car c'est pour cela qu'il nous a créés, subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent. Puis l'écrivain dit, la preuve de cela est sa parole, donc la preuve de ce qu'il a dit auparavant, j'ai connu mon Seigneur par ses signes évidents et prodigieux, la preuve de cela est sa parole, subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Tout ceci indique qu'il est le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le Créateur, l'Omniscient. En effet, il est surprenant de constater que la nuit fait son apparition avec ses ténèbres, tandis que le jour s'échappe avec sa lumière, et qu'ensuite le jour revient à nouveau, et la nuit s'en va à son tour, et ainsi de suite jusqu'au jour du jugement dernier. Le soleil s'élève pour éclairer la terre entière, de même que les êtres humains, et ceux-ci en tirent profit et bénéfice, et la lune fait de même. Aussi, la terre, avec toutes ses montagnes, les fleuves, les océans, la faune, la flore qu'elle contient est également un signe grandiose. De même que les cieux que les gens observent, tout ceci démontre sa grandeur et sa puissance et témoigne du fait qu'il est le Seigneur et Créateur et Maître de l'univers, le Créateur, l'Omniscient, et que par conséquent, il est le seul et unique qui mérite d'être adoré. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala dit que l'on a cité auparavant, « Ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. » C'est-à-dire, n'adorez pas ces créatures, mais adorez plutôt celui qui les a créés à partir du néant. En effet, il est celui qui mérite qu'on l'on se soumette et que l'on s'humilie pour lui, et que l'on obéisse à ses ordres, et que l'on évite ses interdits, par vénération et par adoration pour lui, par peur et par désir intense de ce qui est auprès de lui. Donc, c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui mérite qu'on l'adore, et que l'on obéisse à ses ordres, et que l'on évite ses interdits, par vénération et par adoration pour lui, par peur et par désir intense de ce qui est auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Puis l'écrivain, rahimahullah, cite la parole. Il dit « et sa parole », c'est-à-dire il cite les preuves de ce qu'il a dit. Les preuves de ce qu'il a dit. Comment as-tu connu ton Seigneur? Par ses signes évidents et grandioses et par ses créatures. Il cite « Inna rabbakumu allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala l'arsh. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Quand il dit votre Seigneur, cela signifie, ô serviteurs, ô vous les hommes et les djinns, votre Seigneur est Allah. Et le terme Seigneur signifie à la fois votre Créateur, comme il signifie votre divinité, celui qui mérite d'être adoré, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus du trône. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est élevé sur le trône, et il s'est établi au-dessus du trône. Ainsi, la science d'Allah tabaraka wa ta'ala est en tout lieu, mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui, est au-dessus du trône. Et ce trône, lui-même, constitue un toit pour l'ensemble des créatures, puisqu'il se situe au-dessus de chacune d'entre elles, et Allah le Tout-Puissant est au-dessus de tout cela. Il s'est élevé et établi au-dessus du trône d'une manière qui convient à sa majesté et à sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Aucune de ces créatures ne lui ressemble dans le moindre de ses nobles attributs, subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Rien ne lui est semblable, et c'est lui qui voit et qui entend tout. Et il a dit « Wa lam yakul lahu kufuwan ahad » Et nul n'est égal à lui. Quand il dit dans le verset la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, cela signifie que toute la décision revient à Allah tabaraka ta'ala, car il est le créateur. Celui dont le décret et le commandement ne peuvent que se réaliser. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, son commandement consiste seulement à dire soit et c'est. Et quand il dit « وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ » Notre ordre est une seule parole, il est prompt comme un clin d'œil. Quand il dit « Tabarakallahu Rabbul Alamin »« Béni soit Allah, Seigneur et Maître des mondes »« Tabarak » cela signifie que les bénédictions d'Allah soient infinies. C'est-à-dire Allah, Tabarak wa Ta'ala, c'est lui qui bénit. Et son nom est béni. Et ses bénédictions, subhanahu wa ta'ala, sont infinies. Et cette formule ne peut être employée qu'envers Allah, tabarak wa ta'ala. On ne dit pas à quelqu'un, tabarakta, ou tabaraka fulan, mais on dit, tabarak Allah, tabarak alladhi biyadihi al-mulk, béni soit celui dans les mains de qui est la royauté. Ainsi, il est interdit de dire cela sur une créature. Mais on dira plutôt pour une créature qu'Allah te bénisse. Barakallahu fik. Allahumma barik. Ou bien, هذا رجل مبارك إن شاء الله. Cette personne est une personne bénie, إن شاء الله. Bénie par Allah. Et non pas bénie dans le sens que la bénédiction provient de lui. C'est Allah seul qui bénit. On ne peut pas dire un tel a béni un tel. Car ça c'est une caractéristique qui appartient à Allah seul, contrairement aux chrétiens et aux soufis et aux égarés qui croient que leur chouyour, que leur pape, que leur rabbin, que leur prêtre peuvent bénir quelqu'un. Ils détiennent la bénédiction. Non. La bénédiction entière est dans les mains d'Allah et il l'attribue à qui il veut. Il la met dans qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce qu'il veut, dans les choses qu'il aime. Puis l'écrivain dit, le Seigneur, c'est celui qui est adoré. La preuve à ce sujet est sa parole. Ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et vos prédécesseurs. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait de la terre un lit et du ciel un toit, et qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez tout cela. Ici dans ces versets, on voit qu'Allah tabarak wa ta'ala ordonne à l'homme d'adorer son Seigneur qui l'a créé, qui a créé toutes choses. Toutes choses. Et celui qui a créé aussi ceux qui nous ont précédés. Tous les hommes, jusqu'à Adam, alayhi salatu wassalam. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, détaille certains de ses actes grandioses et de ses créatures, comme le fait qu'il a fait de la terre un lit, du ciel un toit, qu'il précipite de la pluie du ciel, et par elle, il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Et c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de lui chercher des égaux alors que nous savons. C'est-à-dire, on ne doit pas lui chercher de concurrent, ni d'équivalent pour les adorer en même temps que lui. Ni statue, ni djinn, ni ange, ni prophète, ni arbre, ni saint, ni tombe, ni rien du tout. L'adoration est le droit d'Allah exclusif. Il n'a ni égal, ni semblable, ni être similaire. Il est le véritable Dieu, subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes avaient l'habitude de lui désigner des équivalents, des semblables et des concurrents, tels que les statues, les djinns, les anges, les tombes. Et ils les adoraient avec Allah. C'est-à-dire, ils adoraient Allah et ils adoraient aussi ses associés en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah a désapprouvé leurs actes. Il leur a fait savoir que ces créatures n'ont aucun droit à l'adoration et qu'elles n'ont aucun pouvoir si ce n'est par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala et son décret. L'imam Ibn Kathir, puis l'écrivain dit, Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, celui qui a créé toutes ces choses est bien le seul à mériter l'adoration. L'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son exégèse du Coran, le créateur de toutes ces choses, le ciel, la terre, les fruits, les végétaux, la pluie et autres, est véritablement le seul digne d'être adoré et obéi, car il est le Seigneur de toutes choses, comme il dit subhanahu wa ta'ala, « وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ » Et votre divinité est une divinité unique, point de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis l'écrivain dit, les différentes formes d'adoration qu'Allah a prescrites sont par exemple, el-Islam, la soumission, el-Iman, la foi, el-Ihsan, l'excellence, ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance totale, le désir intense, l'effroi, le recueillement, la crainte, le repentir, l'imploration d'aide, la demande de protection, la demande de secours, le sacrifice, le vœu et de nombreuses autres formes d'adoration telles qu'Allah les a imposées. Toutes appartiennent à Allah. La preuve de cela est sa parole. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. Ici, l'écrivain, rahimahullah, stipule que l'adoration est de plusieurs formes. De manière générale, tout ce qu'Allah a ordonné de faire est considéré comme une adoration. Parmi ces formes, on compte l'islam avec tous ses piliers, El-Iman, la foi, avec tous les actes intérieurs qu'elle implique, croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. On retrouve également la peur, l'amour, l'espoir. Au final, tout ce qui est lié aux actes du cœur est une adoration. Et c'est même la forme la plus suprême et la plus grandiose de l'adoration. Toutes ces formes appartiennent à Allah seul. Et il est obligatoire à toute personne responsable de ses actes de ne les consacrer qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Personne ne doit invoquer ou adorer les prophètes, ou bien les saints, les statues, des pierres, des arbres, des étoiles, comme cité précédemment. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ que nous répétons tous les jours dans la Fatiha. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Allah Ta'ala a également dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et il a dit, subhanahu, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'en a même pas de preuve évidente, aura à rendre des comptes à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Allah les a nommés mécréants, ces personnes qui invoquent autre qu'Allah. Allah les a nommés mécréants. Donc toute personne aujourd'hui qui s'affilie à l'islam, qui invoque les morts, les tombes, les saints, les étoiles, les prophètes, les anges, Allah les a nommés mécréants, même si eux, ils prétendent l'islam. Allah a également dit, « ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ » له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement dernier, ils vont nier votre associationnisme. Nul ne peut te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Donc Allah Ta'ala dit, en parlant de cet acte qui est d'invoquer les morts, que le jour du jugement dernier, ces gens vont dire quoi? Ils vont nier votre polythéisme, votre associationnisme, que c'est du shirk. Donc Allah a qualifié leurs invocations des morts d'association de shirk. Donc, toutes ces choses, toutes ces créatures qu'Allah a créées n'appartiennent qu'à Allah. Et c'est pour cela que toutes les adorations que l'on doit vouer ne doivent être vouées qu'à Allah. Tout type d'adoration. Et il est impératif à toute personne responsable de ses actes de n'adorer qu'Allah seul, quelle que soit la forme d'adoration, que ce soit l'espérance, que ce soit la peur, que ce soit l'appel à l'aide, l'appel au secours, le sacrifice, le vœu, la crainte, la prière, le jeûne, le vœu, le sacrifice, tout type d'adoration ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'écrivain dit, rahimahullah, en outre, quiconque en attribue la moindre part à autre qu'Allah est un associateur mécréant. La preuve de cela est sa parole. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et donc sa parole, quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'en a même pas de preuve évidente, aura à rendre des comptes à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. On l'a cité tout à l'heure, ce verset, dans l'explication. Et ici, l'écrivain le cite, lui, comme preuve que toute personne qui attribue la moindre adoration à autre qu'Allah est un associateur mécréant. Et il donne comme preuve ce verset. Donc, quiconque cherche à se rapprocher d'autre qu'Allah par les moyens de l'invocation, du sacrifice, du vœu, de la prière, du jeûne, ou par tout autre moyen, est un associateur mécréant qui a attribué à Allah un concurrent dans son adoration. Et cet acte est identique à ceux des premiers polythéistes païens qui étaient adorateurs de tombes, d'arbres, de pierres, de statues. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Mais s'ils avaient donné des associés à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et il a dit, Subhana, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit certes le paradis et son refuge sera le feu. Et il a dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul, et sois au nombre des reconnaissants. On voit donc, de tous ces versets, et du verset que l'écrivain, rahimahullah, a cité, que toute personne qui donne un associé à Allah dans son adoration est un associateur et il est un mécréant. On peut tirer aussi cela de tous les versets qu'on a cités précédemment. Puis l'écrivain dit, et on va finir avec ce passage pour aujourd'hui, Inch'Allah. L'écrivain dit, on retrouve dans le hadith, l'invocation est l'essence même de l'adoration. Et la preuve à ce sujet est sa parole, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Ce hadith que l'écrivain a cité est faible. Mais la version correcte, qui est proche de ce sens-là, c'est l'invocation, c'est l'adoration même. Et non pas l'invocation est l'essence même de l'adoration. Donc la deuxième version est-elle juste et authentique, alors que celle-ci n'est pas authentique, mais elle va dans son sens. Allah tabarak wa ta'ala dans ce verset de sourate Ghafir, verset 60, il a qualifié l'invocation d'adoration. Quand il a dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Alors qu'auparavant il a cité la dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Donc, ibadati ici, ceux qui s'enorgueillent, qui par orgueil se refusent à m'adorer, c'est-à-dire se refusent à m'invoquer. Ce qui prouve que l'invocation est l'adoration même. En outre, l'invocation consiste à implorer Allah, à lui demander le secours, la subsistance, l'aide, la protection, etc. Tout ceci constitue une adoration. Donc si une personne la consacre à une statue, à un arbre, à une pierre, à un mort, à un ange, à un prophète, à un astre, à un gourou, à un cheikh, à un pape, à quoi que ce soit, à qui que ce soit, il aura donné un associé à Allah tabarak wa ta'ala et il sera devenu à cause de cela un polythéiste mécréant. Que l'on prenne donc garde au polythéisme sous toutes ses formes, qu'elle soit infime ou manifeste, et que l'on s'attache à adorer Allah tabarak wa ta'ala seul sans lui donner d'associé. En revanche, le fait de demander quelque chose ou de demander de l'aide à une personne vivante qui est présente et qui a la capacité de répondre à cette demande ne constitue pas un mal et n'est pas considéré comme faisant partie du polythéisme. Si par exemple tu t'adresses à ton frère qui est présent et que tu lui dis « Ô serviteur d'Allah, aide-moi à couper cette plante » ou bien « Aide-moi à creuser ce puits » alors il n'y a aucun mal en cela. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet de Moussa, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. L'homme du parti de Moussa l'appela au secours contre son ennemi. L'homme des descendants d'Israël demanda à Moussa alayhi salatu wa salam son secours contre le copte. Car Moussa, qui parlait et qui entendait et qui était présent, avait la capacité de le secourir par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. Quant au fait de se reposer sur une créature vivante ou morte et lui demander ce que seul Allah ta'ala est capable de donner en croyant qu'elle a la capacité de procurer le bien à celui qui l'invoque sans qu'il n'en ait de moyen apparent, ceci est un acte de polythéisme. Que cette créature soit présente ou absente. On retrouve cela dans les actes des polythéistes. Allah tabarak wa ta'ala nous informe de leurs arguments. وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils s'imaginent donc qu'en adorant des divinités autres qu'Allah, celles-ci intercéderont et leur permettront d'obtenir ce qu'ils demandent, ou bien qu'elles les rapprocheront davantage d'Allah, comme il dit dans sa parole subhanahu wa ta'ala à leur propos, « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa » Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Tout ceci s'est produit en raison de leur égarement et de leur ignorance des règles relatives à l'intercession et à l'intercesseur et à celui au prix de qui on intercède, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, l'intercession tout entière appartient à Allah. L'intercession tout entière appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah donne à son serviteur qu'il a choisi, à qui il veut, la permission d'intercéder. Et pour qui il veut subhanahu wa ta'ala. Il ne donne pas la permission d'intercéder pour une personne qu'Allah n'agrée pas, ni sa personne, ni ses paroles, ni ses actes. Et personne ne peut intercéder auprès d'Allah si ce n'est avec son accord, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit, « Man dhal ladhi يَسْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ Qui peut donc intercéder auprès de lui sans sa permission? Comme il a dit, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. En résumé, l'intercession ne peut avoir lieu que si Allah en donne l'autorisation à l'intercesseur. Que si Allah agrée le bénéficiaire de l'intercession. Or, il ne fait bénéficier l'intercession qu'aux personnes purement monothéistes qui ne lui donnent pas d'associés dans son adoration. Comme il a été rapporté authentiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Huraira radiallahu anhu, qui lui demanda « Qui sera le plus comblé de ton intercession au messager d'Allah ?» Ce à quoi il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui dit « La ilaha illallah » avec un cœur totalement sincère. » Donc, l'intercession n'aura lieu qu'en faveur de ceux dont Allah a agréé les paroles et les actes et qui sont aptes à recevoir cette intercession, c'est-à-dire qu'ils sont adeptes de la foi monothéiste, qu'ils ne sont pas des associateurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.